Psaume 58. Mishtam de David, donné au maître chantre, pour le chanter sur Altaset. En vérité, vous, gens de l'assemblée, prononcez-vous ce qui est juste? Vous, fils des hommes, jugez-vous avec droiture? Au contraire, vous tramez des injustices dans votre cœur, vous balancez la violence de vos mains en la terre. Les méchants se sont égarés dès la matrice, ils ont erré dès le ventre de leur mère, en parlant faussement. Ils ont un venin semblable au venin du serpent, et ils sont comme l'aspic sourd, qui bouche son oreille. Qui n'écoute point la voix des enchanteurs, la voix du charmeur fort expert en charme. Ô Dieu, brise-leur les dents dans leur bouche. Éternel, romps-les dans ma chaulière des lionceaux. Qu'ils s'écoulent comme de l'eau, et qu'ils se fondent. Que chacun d'eux bande son arc, mais que ses flèches soient comme si elles étaient rompues. Qu'ils s'en aillent comme un limaçon qui se fond. Qu'ils ne voient point le soleil, non plus que l'avorton d'une femme. Avant que vos chaudières aient senti le feu des épines, l'ardeur de la colère, semblable à un tourbillon, enlèvera chacun d'eux comme de la chair crue. Le juste se réjouira quand il aura vu la vengeance, il lavera ses pieds au sang du méchant. Et chacun dira, quoi qu'il en soit, il y a une récompense pour le juste, quoi qu'il en soit, il y a un Dieu qui juge dans la terre.